à nous deux pour la vie. C'est écrit sur les murs, c'est l'amour graffiti, le seul amour qui dure. Mais d'autres filles ont écrit sur mon corps et sur ma vie. Je t'aime à la folie, mais je sais aujourd'hui, y a pas d'amour qui dure. Je donne.